Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la bataille de Vimy entre mythe et réalité. On est entré en 1960. On est sorti 300. Il y en a qui s'en venaient tout ça, puis ils disaient, tu es vingtaine. Pas vu. Tous ses camarades que n'a pas vu ce vétéran Arthur Berriot lorsqu'il arrive enfin au sommet de la fameuse crête de Vimy le 9 avril 1917, tous ces hommes sont tout simplement morts au combat. Au total, Vimy fera 3600 morts et 7000 blessés dans les rangs canadiens. La bataille de Vimy, qui se déroulera du 9 au 12 avril 1917, fait partie des principaux faits d'armes du Canada durant la Première Guerre mondiale et la victoire canadienne à Vimy deviendra vite l'un des grands mythes fondateurs de l'identité nationale canadienne. En mai 1915, l'armée française a essayé désespérément de s'emparer de cette ligne pour ensuite pouvoir déboucher sur le bassin minier, mais les Allemands s'y sont accrochés. Il a fallu attendre le mois d'avril 1917 pour que les soldats canadiens parviennent à s'emparer de la crête de Vimy à l'issue d'une offensive éclair remarquablement préparée. C'est pour la première fois les divisions canadiennes qui combattent ensemble et qui obtiennent un résultat exceptionnel puisqu'ils s'emparent de la crête en quelques heures d'assaut. Et donc c'est un moment fort pour la création d'une identité nationale au Canada. Extrait du documentaire « Du front oublié aux batailles d'Artois » réalisé par Olivier Sarrazin en 2015. C'est l'historien Yves Le Maner qu'on entendait dans cet extrait pour nous raconter cette fameuse bataille de Vimy et la replacer aussi dans son contexte plus large, celui de la Première Guerre mondiale. Mon invité, Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Carl Bouchard, bonjour. Oups, c'est un peu... Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. Carl Bouchard, on l'entendait dans cet extrait. C'est fascinant parce que c'est un documentaire français qui nous dit que c'est vraiment la bataille de Vimy, quelque chose de très important pour nous, Canadiens. Espèce de mythe fondateur dans l'identité nationale. Pourquoi? À quoi correspond ce fameux mythe de la bataille de Vimy? Ben, l'extrait est vraiment bien parce qu'on sent justement un étranger qui a adhéré à ce mythe et qui reprend les éléments du mythe. On a un mythe lorsque la réalité répond à autre chose aussi dans une nation. Donc, Vimy veut dire autre chose que la bataille elle-même. Donc, déjà, ça a son importance. C'est un mythe aussi parce que on a très rapidement, après la bataille, commencé à parler de cet événement. Donc, on l'a mis en contexte après la guerre. Et c'est devenu aussi un lieu de mémoire important parce que c'est aussi là que se trouve le monument qui rend hommage aux Canadiens qui sont morts sur les champs de bataille de France et dont on n'a pas retrouvé les corps. Il y a quand même 11 000 combattants qui sont morts, disparus. Et le monument qui est spectaculaire, qui compte l'a déjà vu exactement, qui est le plus gros monument, le plus spectaculaire sur le front ouest. Sur le sommet d'une crête. Qui est géographiquement très, très bien situé. Alors, devient un peu l'incarnation de cette bataille. Donc, la présence du monument en soi est aussi impressionnante. Et on finit par oublier que le monument lui-même rend hommage à des gens qui sont morts et moins à la bataille. Et c'est devenu le monument de Vimy. C'est maintenant incarné dans cette pierre. On peut dire en même temps que c'est pour participer à la compréhension de ce qui est devenu ce mythe de la bataille et de la victoire canadienne à Vimy, c'est que Vimy en est venu peut-être dans notre imaginaire collectif à incarner cette seule bataille, tout l'ensemble de l'effort canadien dans la Première Guerre mondiale. Ouais. En fait, un des problèmes, en fait, des conséquences de Smith, c'est que quand on parle de Vimy au Canada, c'est comme s'il n'y avait que les Canadiens qui combattaient. C'est comme si c'était le haut fait, le point d'orgue de l'année 1917, le point d'orgue même des deux années. On lit dans certains textes que c'est la plus grande victoire stratégique des Alliés depuis le début de la guerre. Donc, il y a de l'emphase par rapport à Vimy. Et je pense que c'est important, et c'est un peu l'objet aussi de l'émission, c'est un peu important de rappeler c'est quoi Vimy précisément? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé après? Et c'est ce qu'on va faire, donc, placer Vimy dans son contexte plus large, celui de la Première Guerre mondiale, avec un élément déjà qui est assez flagrant, qui est physique, qui est géographique, c'est que cette crête de Vimy, Karl Bouchard, elle est elle-même assez étroitement associée à la Première Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Lorsque les Allemands envahissent la France à partir du mois d'août 1914, ils entrent assez profondément dans le territoire. Paris est menacé. Et puis, au mois de septembre, les Français, aidés des Britanniques, réussissent à repousser une attaque. C'est la bataille, la contre-offensive de la Marne. Et à partir de ce moment-là, les Allemands reculent. Et ils reculent de façon très ordonnée. Et leur objectif, c'est de s'installer dans le territoire. Alors, ils vont reculer et prendre tous les points qui sont stratégiquement intéressants. Or, Vimy est un point stratégiquement intéressant. C'est une colline. On l'appelle aujourd'hui de façon un peu abusive une crête, mais c'est une colline d'une centaine de mètres, un peu plus d'une centaine de mètres. Et évidemment, en termes anglophones, on parle du high ground. C'est un point élevé. Et puis, quiconque a déjà joué à risque ou à quelconque jeu militaire sait très bien que quand on est en hauteur, on voit ses ennemis plus facilement. À partir du sommet de Vimy, de la crête de Vimy, on a une vue sur plusieurs kilomètres à la ronde et notamment un accès à la plaine de Douai, où là, il y a des ressources minières très, très importantes. Ce qui fait que, parce que c'est un lieu stratégiquement important et intéressant, ce qui fait que cette fameuse colline ou crête de Vimy, les Alliés essaieront souvent, à plusieurs reprises, de la reprendre aux Allemands. En fait, avant l'assaut canadien, en 1917, il y aura déjà trois tentatives, essentiellement des Français et des Anglais. Une première tentative assez tôt, après le déclenchement des hostilités, à la mi-décembre 1914. Tout à fait. Dès le départ, juste avant que le front commence à se stabiliser, la première partie de la guerre est une guerre de mouvement. Il y a de l'activité. Et puis, à un moment donné, les troupes ennemies essaient de se déborder. Et on remonte vers le nord de la France en essayant de se déborder. Et puis, Vimy fait partie de cet enjeu. Reprendre le contrôle pour les Français de cet espace, c'est de repousser les Allemands très, très loin derrière parce qu'on a une vue sur la plaine. Alors, c'est pourquoi, dès décembre, on commence déjà à se battre. On est au début de la guerre. On n'est pas encore très adapté à ce nouveau type de guerre. Et puis, les Français vont échouer en décembre. Donc, ce qu'on appelle la première bataille de l'Artois, étant la région donc, où se trouve Vimy. Deuxième tentative, on ne traîne pas non plus. Dès mai 1915, on se réessaye. Exactement. Ça montre aussi l'importance de l'endroit. Donc, en mai 1915, on a une deuxième tentative. C'est la deuxième bataille de l'Artois, avec des moyens beaucoup plus importants. On va essayer de prendre deux collines à ce moment-là. L'une qui s'appelle Notre-Dame-de-Lorette, qui est presque en face, en fait, à quelques kilomètres de Vimy. Et puis, un peu plus haute, effectivement. Et puis, Vimy par la suite. Ce qu'on sait très peu, ce qu'on apprend lorsqu'on fait un peu plus d'observation de l'événement, c'est que les Français ont pris la crête. En fait, ils ont pris la colline au printemps 1915, mais ils ne l'ont gardée que 4 heures parce que c'est encore un espace important pour les Allemands. Et puis, ils ont dû, à un moment donné, c'est tout à fait typique des premières batailles de la guerre, c'est-à-dire qu'on peut faire une offensive victorieuse, mais il n'y a jamais une percée parce qu'il n'y a pas de soutien, souvent, des réserves. Les réserves sont placées trop loin. On manque de communication. À un moment donné, on n'a plus d'artillerie. Donc, il va falloir s'adapter à cette nouvelle guerre. Et en mai 1915, c'est pas possible. Et les pertes sont absolument considérables. La bataille de l'Artois, là, de mai-juin 1915, fait autour de 100 000 morts et disparus et blessés du côté français. Donc, c'est un espace très important, puisqu'on voit le taux de mortalité qui est majeur. Pour les Français, il faut prendre cet espace. Ce qui fait qu'on se réessaie, troisième tentative. On est en septembre, ça va déborder sur octobre, septembre-octobre 1915. Ouais, troisième grande offensive. En fait, c'est une série, une double offensive en Artois, donc cette région autour de Vimy, et puis dans la Champagne, autour de Reims, pour ceux qui connaissent un peu l'endroit. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la façon dont les Allemands ont reculé, ils ont créé ce qu'on appelle en termes militaires un saillant, c'est-à-dire une pointe dans le front. Et cette pointe, elle veut être réduite, les Français veulent la réduire, en attaquant vers au nord et au sud, et en essayant de prendre en tenaille, fait, les troupes allemandes. Alors, réduire ce saillant, ou attaquer le saillant, c'est une façon pour les Français de pouvoir repousser les Allemands. Donc, on va le faire, troisième tentative, donc troisième bataille de l'Artois, à l'automne 1915. Même chose, on réussit encore pendant quelques heures à prendre pied sur la colline. On prend Notre-Dame-de-Lorette, donc la colline en face, qui est important. Et puis, on recule après quelques heures et on s'installe dans la vallée. Et donc, à partir de ce moment-là, on attend encore et Vimy reste l'espace qu'on aimerait bien conquérir. Et là, il y a un mystère que vous allez éclaircir de suite. Il y a beaucoup de temps qui s'écoulera entre cette troisième bataille, septembre-octobre 1915, et la fameuse bataille de Vimy, l'assaut mené par les Canadiens en avril 1917. Là, ça va marcher, mais c'est long. Comment expliquer un aussi long délai entre la troisième et la quatrième bataille. Entre la troisième et la quatrième. En fait, c'est tout la contingence de la guerre. C'est qu'on a beau avoir des plans, mais si les ennemis ont d'autres plans, ben, il faut à un moment donné s'adapter. Or, les ennemis ont d'autres plans. Début 1916, les Allemands attaquent à Verdun. C'est le branle-bas de combat du côté français. Les énergies sont placées là-bas. Les Français avaient planifié avec les Britanniques une autre offensive en 1916, c'est celle de la Somme, qui est au sud de la région de l'Artois. Eh bien, les Britanniques vont prendre contrôle de cet espace parce que les Français se battent à Verdun. Alors, pendant l'année 1916, il n'est plus question d'attaquer Vimy. On se concentre sur les deux grandes offensives, qui est la Somme, celle de la Somme et celle de Verdun. Et qui sont deux grandes, grandes et très importantes batailles de la Première Guerre mondiale. Ouais. L'offensive canadienne va finir donc par s'organiser. Elle commence, cette offensive sur la crête de Vimy, le 9 avril 1917. Nos canons et quelques chars d'assaut s'enlisent dans la colline que les obus et la pluie ont transformée en bourbier. Mais les fantassins tiennent le coup. Les Canadiens atteignent le sommet et contemplent pour la première fois l'immense plaine de Douai. À leurs pieds, les Allemands retraitent de 7 à 8 kilomètres du jamais vu. Ils laissent derrière eux 200 canons, 14 000 prisonniers et des milliers de morts. C'est une première percée dans la ligne de défense allemande, une première victoire canadienne. Extrait d'une émission spéciale commémorant le 75e anniversaire de la bataille de Vimy, animée par Bernard de Rome en 1992. Comment ça va très, très vite, cet assaut canadien? Ça se passe en quelques heures. Comment ça se déroule, cette bataille de Vimy? La bataille va durer quelques jours, mais déjà, on sera sur le haut de la crête le premier jour. Oui, en fait, ce qu'il faut aussi, si on veut mettre justement Vimy en contexte, il faut savoir que, donc, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de combat autour de Vimy en 1916, mais les Canadiens sont déjà là depuis l'automne 1916. Et ils ont plusieurs mois pour préparer justement cet assaut. Avec les Britanniques, il faut aussi rappeler que les Canadiens sont intégrés dans la première année britannique dans la région. Ils ont le temps, ce qui est très rare dans la guerre. Oui. On a le temps de se préparer. On a le temps de faire les préparatifs de bataille. On va notamment faire usage des tunnels qui ont été construits pendant l'année 1916 pour s'en servir pour le transport des troupes. On va installer des chemins de fer, parce que c'est très important justement de faire bouger les soldats au moment des attaques. On va faire une préparation d'artillerie très impressionnante. C'est aussi des apprentissages qu'on fait à partir de la Somme et de Verdun, que c'est très important de faire une bonne préparation d'artillerie. Et en fait, c'est la préparation de l'attaque qui est particulièrement impressionnante. On va donner aussi une certaine autonomie aux troupes, ce qui était déjà le cas autour de Verdun. On commence à envisager justement une nouvelle façon de faire la guerre. Et en fait, Vimy représente un peu ça, c'est-à-dire une armée qui s'adapte aux nouvelles conditions et qui essaie de changer un peu la façon de faire la guerre. Et c'est pour ça qu'on est aussi impressionné par cette avancée très rapide dans la première journée. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres raisons qui expliquent aussi pourquoi les Français, les Canadiens réussissent à prendre Vimy, qui sont, elles, liées à l'ensemble de la guerre, à l'enjeu plus au moment, important. Au calendrier, finalement, au là calendrier. Où on est dans exactement, la guerre. Dans la guerre, exactement. Ouais. Et puis, on verra aussi que Vimy s'inscrit dans une autre offensive. Donc, il y a une quatrième bataille d'Arras, mais il y a aussi une autre offensive qui se prépare au même moment. La bataille de Vimy ne fut pas décisive. Il faudra encore 17 mois pour finir la guerre. Mais elle sera la première victoire des Canadiens et la première percée des Alliés. Elle changera leur psychologie au moment où l'armée française, en pleine mutinerie, faisait fusiller des hommes qui refusaient, après 3 ans de boucherie, de servir de nouvelles chairs à canon. Ici Hugues Poulain, à Vimy. Reportage présenté en 1997 à l'occasion du 80e anniversaire de cette bataille de Vimy. Dans les faits, Karl Bouchard, quelle sera l'importance réelle de la bataille de Vimy sur le plan militaire, sur le plan stratégique? Oui. Ben déjà, sur l'extrait a quand même un élément intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une grande lassitude en 1917. La bataille de Verdun, la bataille de la Somme, ont fait mal au moral des combattants. C'est clair que si Vimy a acquis une telle importance, c'est parce que c'est une bonne nouvelle au printemps 1917. Elles sont rares, d'autant plus rares que la semaine suivante commence une offensive, et là, celle de Vimy s'inscrit justement dans cette autre offensive. Le général Nivelle, qui commande les troupes françaises sur le front ouest, fait une attaque, prépare une attaque sur le chemin des Dames, donc entre Soissons et Reims, et cette attaque est absolument catastrophique. Et c'est là que les épisodes de mutinerie vont commencer. C'est à la suite de cette offensive ratée que les mutineries vont commencer du côté français. Donc son importance, eh bien, elle est quand même relativement limitée. Comme on dit, ce n'est pas une bataille, ce n'est pas une victoire décisive. On a réussi à prendre pied là-dessus. Mais si on prend pied sur Vimy, c'est aussi parce que les Allemands ont déjà commencé à reculer. Ouais. Et en fait, après la bataille de la Somme, les Allemands craignent une nouvelle grande offensive des Alliés. Et ils changent un peu leur stratégie générale de guerre. Les Allemands sont entrés depuis 1917, depuis février 1917, dans ce qu'on appelle la bataille sous-marine à outrance. Leur objectif, c'est d'asphyxier complètement l'économie anglaise. Pardon. Et ça pousse les Anglais à négocier et donc peut-être terminer la guerre. Et pour les Allemands, la stratégie, c'est de rester le plus longtemps possible sur le territoire français. Mmh. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le fameux saillant qui est là depuis le début de la guerre. On va retirer ses troupes d'une cinquantaine de kilomètres derrière une nouvelle ligne de fortification qu'on aura eu le temps de construire et qui est réputée imprenable pour les Allemands. Donc, ils renoncent un peu, sans que ce soit aussi clair, parce qu'il y a encore une présence allemande sur la crête de Vimy, tout à fait. Mais ils ont un peu stratégiquement renoncé à ce lieu-là. Exactement. Pour eux, c'est moins important parce que la guerre se passe ailleurs. Ouais. Elle se passe désormais au niveau sous-marin et on pense qu'on peut précipiter l'issue du conflit autrement. Bien évidemment, les Allemands vont se battre pour conserver la crête, mais ils n'auront pas la férocité qu'ils ont dans leur contre-offensive, comme c'est le cas dans d'autres batailles. Et à partir du moment où on perd cette crête, c'est normal que les Allemands reculent, puisque, comme on l'a dit au départ, ils ont, une fois qu'on est en haut, on a une vue spectaculaire sur la plaine de Douai, donc il faut absolument que les Allemands reculent au-delà des tirs d'artillerie. Et ils reculent où? Ben, ils reculent sur la nouvelle ligne de défense qu'ils sont en train de construire. L'autre élément, c'est que Vimy, c'est une partie du front ou de l'offensive des Alliés, mais pas la plus importante. En fait, on gagne cette crête de Vimy, mais le gros de cette offensive-là ne se joue pas à Vimy, et là, on va se casser les dents ailleurs. Exactement. On se casse les dents au chemin des dames. Les Britanniques, de leur côté, eux font une attaque le même jour au sud de Vimy, une attaque qu'ils considèrent eux autres aussi très, très intéressante. Ils avancent de 5 kilomètres. Donc, cette attaque-là, elle se place dans un ensemble, dans un jeu, et c'est peut-être le plus important aussi de comprendre. C'est que ça a beaucoup de sens pour les Canadiens, parce qu'effectivement, c'est une victoire, et c'est une belle victoire. Mais là-dessus, c'est un élément marginal, en fait, d'une campagne d'offensive du printemps 1917, qui est, elle, de beaucoup plus grande ampleur. On va boucler la boucle. On va revenir, Carl Bouchard, sur cette importance qu'on a donnée à Vimy, cette espèce de mythe qui appartient presque à la construction de l'identité nationale canadienne, quand on parle de Vimy, hein, les francophones et les anglophones, toutes les divisions canadiennes. Parce qu'il n'y a pas tant de francophones, de fait. Non, effectivement, le jour de la bataille de Vimy, les francophones sont assez peu nombreux. Ce n'est pas la première fois non plus que les Canadiens combattent ensemble. Ils ont combattu ensemble, ah bon? Mais là, c'est l'ensemble des divisions, parce qu'il y a une division supplémentaire qui se rajoute, qui combattent. Alors, ça montre aussi la dimension très mythique de l'événement. Parce que ça, c'est important, en tout cas, dans l'imaginaire, que tous les Canadiens, tous les soldats qui étaient sur place participent ensemble pour une première fois, soi-disant, à cette bataille de Vimy. On écoute, on va revenir, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire là-dessus, sur qu'est-ce qui appartient au mythe, qu'est-ce qui appartient à la réalité. On y revient dans un instant, mais je vous propose d'abord d'écouter « Elle est en plein dans le mythe », vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. On écoute, après tout, la directrice des opérations européennes au ministère canadien des anciens combattants, Renée Campbell, qui parle donc de ce moment fort de la victoire de la bataille de Vimy en entrevue à la télé du Sénat français en 2012. Renée Campbell, en quoi ce monument est extrêmement important pour, j'allais dire, pour la nation canadienne? Nous étions un pays très jeune au moment de la guerre. C'est lors de la guerre qu'on a pris une maturité et qu'on est devenu, pour certains, qu'on est devenu une nation. Et donc, plutôt ici, sur la crête de Vimy, que nous avons combattu une première fois les quatre divisions ensemble, donc toutes les quatre divisions de l'armée canadienne, et non avec les Britanniques ou avec autres forces, mais vraiment ensemble, côte à côte avec les Britanniques, mais comme une force canadienne. Et nous avons pris la crête, la première grande victoire du Canada comme nation. Et c'est ainsi la raison qu'on a décidé de construire ce monument sur la crête de Vimy. Ça a eu des conséquences politiques importantes, puisque au traité de Versailles, le Canada a pu imposer sa signature dans les documents finaux. Normalement, ce serait la Grande-Bretagne qui aurait signé pour nous, mais en raison de nos efforts lors de la guerre et les victoires qu'on avait eues, les pertes qu'on avait eues à la guerre, on a pu signer le traité de Versailles qui a aussi amené, qui a commencé un processus d'indépendance un peu de la Grande-Bretagne. Donc, c'est peu après, en 1931, qu'on a signé le statut de Westminster qui permettait au Canada de faire ses propres lois. Alors, si vous n'aviez pas devant vous Carl Bouchard, moi j'ai pu voir réagir Carl Bouchard 3, 4, 5 fois pendant réaction d'horreur presque durant cet extrait. Mais sérieusement, ce qu'on vient d'entendre, ça a l'avantage, cet extrait de René Campbell, Carl Bouchard, de nous ramener au mythe, à ce qui a été beaucoup véhiculé et colporté. Défaisons-le, point par point. Qu'est-ce qui vous faisait sursauter d'horreur en entendant cet extrait? Ben, c'est un peu l'essence du mythe. Enfin, en quelques phrases, on résume l'essentiel. En soi, je veux dire, le mythe sert quelque chose. C'est très bien, il sert la nation canadienne. Bon, cette idée de l'unité est déjà un peu délicate. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà combattu, par exemple, à Courcelette ensemble. Là, dans ce cas-ci, ce sont les quatre divisions. À l'époque, il y en avait trois, donc on combat les trois ensemble. Donc, là, cette fois-ci, c'est les quatre. Faut rappeler aussi que si les Canadiens combattent ensemble à Vimy, c'est aussi parce que l'armée britannique est très présente. Les derniers calculs montrent que dans cette fameuse armée canadienne qui combat à Vimy, 45% des troupes ne sont pas canadiennes. Donc, il y a des Néo-Zélandais, il y a des Australiens, il y a des Britanniques qui combattent. Donc, ce n'est pas une victoire uniquement canadienne. Ouais. La question, évidemment, de la naissance de la nation, c'est un lieu commun qu'on récite depuis les années 20, les années 30, qui n'était pas présent à l'époque. Il n'y avait pas ce sentiment que c'était la naissance d'une nation. Le monument? Le monument, effectivement, c'est sur notre $20, c'est très important, mais le monument, encore une fois, ne rappelle pas la bataille de Vimy, mais c'est un monument qui est un monument de deuil, un monument pour souligner la mort de 11 000 combattants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite histoire dans le choix de Vimy pour construire ce monument qui honore tous les Canadiens qui ont perdu la vie durant la Première Guerre mondiale. Exactement. Et Vimy ne s'est pas imposé d'emblée. Exactement. Vimy est un choix plus politique. Et lorsqu'on a... On raconte toujours, quand on veut raconter cette histoire, Arthur Currie, qui est devenu le général en chef de l'armée canadienne à partir de l'été 1917, n'a jamais considéré que Vimy devait faire partie de ces hauts lieux, justement, de mémoire. Il considérait que c'était une bataille intéressante, effectivement, mais que ce n'était pas là où les Canadiens, c'était le plus illustré dans le cadre de la guerre. Et le choix est bien davantage un choix spectaculaire et géographique et politique qu'un choix purement militaire. Parce qu'on savait, parce que c'est une crête, que le monument est gigantesque, très, très haut, on savait que ce monument-là, on pourrait le voir de très kilomètres à la ronde, effectivement. Et puis, dernier élément du mythe, c'est cette idée que la victoire à Vimy a permis au Canada de devenir une nation indépendante. Alors ça, bon, déjà, le Canada existe depuis 50 ans. Hein, depuis 1867, il ne naît pas à Vimy. D'autre part, le statut de Westminster, ce sont des raisons politiques aussi qui déterminent l'indépendance peu à peu du Canada dans le cadre de l'Empire britannique. Et puis finalement, on peut y aller aussi par l'absurde. Si les Canadiens n'avaient pas pris Vimy, est-ce qu'on aurait refusé de lui accorder l'indépendance en politique étrangère en 1931? Mais voyons, bien sûr que non. Donc, ce sont des raisons autres qui déterminent, dans ce cas-ci, la marche de l'indépendance. Du traité de Versailles. Même chose. Il y a une manœuvre britannique, au fond, derrière. Exactement. Ça. Les Britanniques sont très heureux d'avoir leur Dominion qui signe avec eux au traité de Versailles. Ça fait des sièges supplémentaires pour l'Empire britannique à la Société des Nations. L'enceinte de l'ONU. Et évidemment, les Canadiens c'est une petite nation, sans armée au début de la guerre, ou une armée minuscule. Ils se sont effectivement illustrés, ils ont été courageux, ils ont fait de belles choses, mais il faut, à un moment donné, mettre les choses en perspective. Carl Bouchard, c'était fascinant, comme toujours, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci, Carl. Avec plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.